reste avec nous, mais c'est l'heure de celui qui a déclaré à l'AFP, je le cite, ah bon, à la radio, tu as 3 minutes, les gens sont moins exigeants. Parce qu'ils savent que tu l'as écrit en moins d'une semaine sur un sujet chaud. J'ai dit ça. C'est le moment d'être moins exigeant. C'est la chronique d'Aymeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, j'ai rien entendu. Cool. Eh, vous devez deviner qui je suis. Ding, c'est bon, je crois que c'est le moment. C'est le moment. Allez hop. Aymeric Lomprey, chauffage de four pour faire des saucisses de Toulouse, mais au four. Plus en plus technique. J'ai essayé de m'adapter à la région, mais c'est hyper dur. Allez, l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un avion Airbus qui, par rapport à la tour de contrôle, qui serait là. Mayday, mayday. C'est dur. En vrai, c'est hyper... En plus, Toulouse, c'est quasiment plus la France, quoi. C'est. Il y a Carcassonne, Tarbes. C'est Moyen-Âge, votre truc. On est à 166 km de Robert Ménard. Hein. 165, 164, 163. Putain, Robert, il arrive! Fuyez! Fuyez, Sarrazin et Troubadour! Prenez des habits amples et vivre léger! Allez, bon. Je suis de bonne humeur, moi. En plus, j'adore venir à Toulouse parce que j'ai plein d'ex ici. Par applaudissement, qui a couché avec moi dans la salle? Putain, mais t'es lourd, Pierre, putain! En plus, on avait dit que c'était un secret. Allez, l'actualité. L'actualité, elle fait plaisir, là. Elle fait plaisir. Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité dans le procès des assistants parlementaires. Ouais. Il manque plus que mes tests soient négatifs et ce serait une super journée. J'étais à Montauban hier, t'as une chance sur deux. Ha ha. On rigole moins, Pierre. Alors, petit rappel des faits, parce qu'il y a peut-être des gens, je demande Montauban, qui sont là. Non, de non, mais qu'est-ce qui se passe à l'UTS? Vite, ramenez mon canasson, que je m'en gardise de cette nouvelle. Et Joséphine, cessez de vous gratter l'entrejambe. Alors, entre 2004 et 2016, plusieurs collaborateurs RN étaient payés. Ils étaient payés par le Parlement européen et en fait, ils allaient bosser pour le parti Rassemblement National. Ah ouais. Bon, après, bosser pour le Rassemblement National, tu sais, si tu mets des carrés dans des carrés, quoi. Tu fais du coloriage. T'es gradé quand t'arrives à faire tes lacets tout seul, quoi. Ça, c'est bien, Jordan. Alors, Marine Le Pen. C'est même possible que Marine, elle aille en prison. Peut-être qu'elle va aller en prison, Marine. Non, bon, ouais. Après, elle est blanche, elle a plein d'argent, donc elle ira pas. Mais c'est déjà un petit soleil. Hein. Rien que voir sa tête en interview, elle est là... Tu sais, entre résignée et paniquée, quoi. On dirait moi face à un mur d'escalade. Casse-couille votre sport. En plus, tu vois sa défense, même elle y croit plus. Chier. Tu sais, on lui montre des preuves, elle fait « Oh, regardez, un papillon !» Son avocat, il est au bout du rouleau, je te jure. Tu fais une photo de lui avant et après procès, le mec, c'est une pub comme j'aime. Je te jure. Il s'alimente plus. Tous les matins, il arrive au bureau, tout le monde est là, tout le monde se fout de sa gueule. « Alors, Rodolphe, elle a plaidé quoi ?»« Non coupable. » Ro. En plus là, coup de poignard dans le dos parce que Darmanin a tweeté, il a dit il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Ouïouïouïouïouï. Baiser du diable. Non mais il a peur, Gérald, il a peur parce que si Marine elle est pas là en 2027, il risque de se retrouver contre Jordan Bardella. Et GG, il sait bien que si les gens ont le choix entre un facho stupide et moche et un facho stupide et beau, il aura pas son ticket pour Baltard. En attendant, protégez-vous, votez à gauche et mettez les capotes à Montauban. Merci de m'avoir écouté. Merci Aymeric Lomprey. On peut retrouver en podcast sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Regardez-le comme il est beau. Et en spectacle, bien évidemment. T'es en tournée, toujours. Ouais, je suis avec mon spectacle YOLO. Ouais. Peut-être un peu plus d'exigence dans le... Ah, le spectacle est plus bossé, ouais. Ouais, plus, d'accord.